Chapitre 10e, la vie nouvelle. Pendant que la fièvre typhoïde mettait Paulette si près de la mort, sa mère qu'elle réclamait tant, Madeleine, la fée blonde, se trouvait au Ravenel chez les parents de Jacques Delmet, l'héroïque sergent. Les Ravenel étaient une ferme comme celle du père Porfilet, comme la Tilleuse. Elle se trouvait entre deux petits ravins, d'où son nom tout à fait joli, de même que la Tilleuse tenait le sien, également charmant, d'une rangée de vieux tilleuls. La Tilleuse et les Ravenel faisaient autrefois partie du domaine de l'abbaye de Saint-Martin, située à Limay, dont il ne reste presque plus rien. À la Révolution, les biens avaient été vendus. Depuis cette époque, ou à peu près, les Delmet s'en faisaient gloire, les Ravenel appartenaient à la même famille. Travailleurs, sobres et probes, le Delmet jouissait de l'estime générale. Ils avaient amassé une certaine fortune, qu'ils transmettaient régulièrement de père en fils toujours accrue. C'était une famille type de ces bons paysans, des vrais paysans français, durs, rudes, attachés à leurs terres, honnêtes et contents de leur sort. La vieille race, non gâtée encore par la tentation de la ville ou le travail de l'usine. Paysans français, bons travailleurs, bons patriotes, qui ont fait la grande France. Au travail, aux besoins de la ferme, actuellement, le père Delmet, le fils aîné Charles et un garçon de charrue, sans compter la mère Delmet et la jeune femme de Charles, suffisaient amplement. Le fils cadet, Jacques, ne manquait donc pas à la ferme. Son père lui donna l'autorisation de suivre son goût pour les armes et la vie d'aventure. Ici, il y avait une fréquente manifestation d'atavisme. Dans les veines de ces paysans français coulait un mélange de sang gaulois, francs et normands, sang batailleurs, hardis, bons pour les aventures, les équipées lointaines, les épopées, sang de bataille et de gloire s'il en fut, sang de France. Jacques, donc, laissant la charrue, qu'il reprendrait plus tard s'il le fallait, s'engagea pour aller se battre. On était au temps des campagnes coloniales. La France, endolorie, blessée, semblait régénérée. Elle voulait montrer au monde stupéfait qu'on pouvait l'écraser, mais l'abattre jamais. Et comme les lauriers dont elle avait besoin pour ses drapeaux neufs ne pouvaient pour le moment se cueillir en Europe, elle allait les couper bravement en Afrique, en Asie. Jacques Delmet donc s'engagea dans l'infanterie coloniale. Il fut envoyé en Cochinchine. Dans ce pays, sans cesse en mouvement, il fallait constamment faire campagne. Jacques Delmet se conduisit bravement. Il revenait donc au pays, ayant engagé sur place, avec un galon d'or au manche et la croix sur la poitrine, brave soldat. Comme son père, son frère était bon paysan, bon français, tous. Mais le cœur des Delmet n'était pas seulement brave, il était bon aussi. Leur âme n'était pas que vaillante, mais charitable. Certes, le paysan n'est pas prodigue. La vie est dure pour lui, la terre souvent ingrate, le ciel inclément. Lui qui fait pousser le blé sait mieux que quiconque combien le pain est long à venir. Il en connaît plus que tout autre la valeur. Il est âpre au gain, c'est certain, parce que le gain est petit. De là à le dire avare, et à croire que tous les paysans sont des rapaces, c'est fatal. Puis on ne sait plus en littérature à ne peindre que les défauts des paysans. Pendant longtemps, sous prétexte de faire vrai, on faisait méchant. L'exception était la règle et le mal seulement intéressant. Mais fort heureusement, tous les paysans ne ressemblaient pas à ceux qu'on nous montrait dans ces livres, qui avaient la prétention d'être des documents humains. En tout cas, ces romans eussent-ils été fondés, pris sur le vif et vrai, que le père Porfilet, la famille Delmet, se serait quand même trouvé en dehors de cette règle abominable, et dans ces circonstances douloureuses, ces bonnes gens en fournissaient une remarquable preuve. Nous avons vu au début de ce récit les Delmet apporter leur cordial concours au Porfilet à Madeleine. Ils ne s'en étaient pas tenus là. Après l'incendie, la destruction totale de la Tilleuse, le père Porfilet demeurait dans la cour de sa ferme, annihilé à côté de sa femme, clouée dans son fauteuil. Tous deux contemplaient l'œuvre terrible du feu. Ils assistaient à cet effondrement comme à leur propre fin, à leur propre enterrement, à leur mort. Ils n'avaient ni l'un ni l'autre de pensée. Ils n'existaient plus. Le grand frère Charles Delmet, accouru avec son père dans la voiture, rapidement attelé, avait déjà déposé dans la carriole son frère toujours évanoui et Madeleine encore sans connaissance. Charles ensuite s'en alla vers les Ravenel, emportant les malades. Le père Delmet, voyant que plus rien n'était à faire, qu'on ne pourrait rien sauver de la Tilleuse, prit la voiture que ramenait de Mantes le garçon de ferme. « Allons, père Porfilet, dit-il au vieillard, allons, il ne faut pas rester là. Il faut nous en aller. »« Nous en aller ?» dit le vieillard en regardant son ami avec des yeux hagards. « Nous en aller ? Où aller ? Où aller, maintenant ? Où aller ? Nous n'avons plus de chez nous. Vous allez venir au Ravenel ? Au Ravenel ? Madame Madeleine y est déjà. » Pendant ce temps, les garçons de ferme parvenaient, non sans peine, à hisser l'infirme dans la carriole. « Tenez, père Porfilet. Voilà la mère Porfilet en voiture. Nous l'emmenons. Venez la rejoindre. Du courage, du courage. Votre maison à présent est au Ravenel. »« Ah, pas pour longtemps. Non, pas pour longtemps. Ces flammes, père Dalmet, ces flammes sont la dernière lueur de notre vie. » Alors le vieillard se dressa une dernière fois devant cette maison qui, pierre à pierre, s'écroulait dans le feu. Il tira sa casquette. Lentement, il se signa, comme dans les campagnes on fait devant la tombe des siens. « Adieu, » fit-il, « la tilleuse, adieu. » Et il se laissa entraîner par le père Dalmet. Désormais, comme l'avait dit cet excellent homme, les Ravenel furent la maison de ces deux vieillards qui n'avaient plus de toit à eux. « Père Dalmet, » dit un soir le père Porfilet à son hôte, « je vous remercie bien de ce que vous faites pour nous. Je ne fais, père Porfilet, que ce que vous auriez fait vous-même pour moi, si le malheur m'avait frappé à votre place. Savez-vous, père Dalmet, que je suis ruiné ? Qu'importe. Tout ce que je possédais a disparu dans le feu. Pourquoi me dites-vous cela ? Parce que je ne sais comment je reconnaîtrai votre bonne hospitalité. Pardon, père Porfilet. Ma maison n'est pas une auberge. Mais ce sont des amis qui me font le plaisir d'y demeurer. Et je ne leur demande rien en retour, rien que de s'y plaire et d'y rester longtemps. Ah, père Dalmet, vous êtes un brave homme. Bon, nous sommes voisins, amis, et quasiment de la même famille. Nous nous valons tous les deux. Ne parlons plus de cela. Le médecin soigna le sergent qui fut, au cours du sauvetage de Madeleine, nous ne l'avons pas oublié, assez gravement blessé. Il devait toute sa vie garder au bras droit une longue cicatrice de brûlure. Madeleine, elle, n'avait rien eu. À peine si le bout de ses longs cheveux blonds qui dépassaient la couverture dans laquelle Jacques l'avait roulé pour l'emporter, était roussi. Mais son esprit n'était pas revenu. Elle n'avait pas conscience de ce qui réellement se passait autour d'elle. Et de l'incendie, elle ne se souvenait pas. Elle ne comprenait pas et se croyait encore ici à la tilleuse, sans que le changement des êtres troublât son pauvre entendement des choses. Après avoir été très malade, après quelques longs jours de fièvre atroce, elle entra en convalescence. Très douce, dolente comme un enfant qui sort de maladie, elle allait lentement par cette maison nouvelle, sans concevoir d'étonnement, suivait, inconsciente, la femme de Charles au champ. Elle cueillait des fruits en chemin. « Pour Paulette, » disait-elle alors, « Paulette sera contente quand je les lui donnerai en rentrant. » Le long des champs, des haies, elle formait des bouquets avec des fleurs, des brins d'herbe quelconques, s'extasiait sur la beauté de la moisson fleurie, donnait des noms merveilleux aux fleurs de rêve, leur trouvait des parfums délicieux. « Pour rarement, » disait-elle alors, « pour rarement quand il reviendra. Car il va revenir, nous l'attendons, il va revenir. » Madeleine, de même qu'elle croyait Paulette présente à ses côtés, qu'elle ne savait rien de l'incendie, ne se souvenait pas de la scène tragique, de l'arrivée affreuse du comte. Elle ne se souvenait pas de l'avoir vu mourant, sur le lit, d'avoir aspiré son dernier souffle. Tout cela n'était plus dans sa mémoire. Tout cela, plus complètement que le cauchemar de la nuit disparu au réveil ensoleillé, avait fui de son souvenir sans laisser de traces. « Tant mieux, » déclara le docteur Lebel, « tant mieux qu'il en soit ainsi. Laissez-la croire cela, laissez-la dans cette douce illusion. Cette folie, c'est sa vie. Car si maintenant elle venait tout à coup à recouvrer sa raison, à voir la vérité, si elle comprenait, si elle avait conscience du double malheur qui la frappe, la pauvre femme ne pourrait supporter ce choc. Elle ne résisterait pas à cette secousse. Son organisme trop faible, trop délicat, se détraquerait, serait anéanti. Elle ne perdrait plus seulement la raison, mais la vie. Le docteur en arrive à conclure, c'est un bonheur qu'elle soit folle. Quel douloureux bonheur, si l'on peut dire ainsi, quelle souffrance heureuse. Mais de son bien-aimé, du retour du comte cependant, elle avait comme une lointaine imprécise notion. Il dort, disait-elle parfois, il dort. Si on parlait trop fort à son gré, elle accourait. Oh, suppliait-elle. « Parlez plus bas, tout bas. Il dort, il dort, il dort. » En outre, il se passa chez Madeleine un fait caractéristique. Elle ne distinguait plus le père Porfilet du père Dalmet. Pour elle, l'un ou l'autre, voire Charles, le fils aîné, était toujours le père Porfilet, le grand-père. Même quand tous les trois se trouvaient ensemble, il semblait à Madeleine qu'il n'y avait devant ses yeux qu'un seul père Porfilet, celui qu'elle avait toujours connu. Avec la mère Porfilet, la mère Dalmet ou la jeune femme de Charles, c'était également toujours, pour Madeleine, la mère Porfilet, la grand-mère. Mais cette erreur devenait touchante et vraiment dramatique, quand Madeleine prenait pour Paulette le petit Fernand, Fernand le fils de Charles Dalmet, beau petit gars de 8 ans, brun, solide, déluré, diable possible. Pour Madeleine, le petit Fernand était Paulette, sa fille chérie. Madeleine agissait avec lui comme elle faisait avec sa fille. Elle le caressait, l'amusait, le dorlotait. Bien que l'enfant portât les cheveux courts, elle remettait en place, machinalement, une mèche idéale qui, chez Paulette, retombait sans cesse sur sa figure rosée, comme un écheveau de soie d'or. Elle lui apprenait à lire, écrire, lui faisait réciter des fables. Pour l'endormir, elle lui chantait des chansons. Souvent, elle lui chantait en la modulant sur un air de complainte triste la légende que Paulette aimait tant, la légende des 3 petits-enfants. Le refrain revenait sans cesse. Ils étaient 3 petits-enfants qui s'en allaient glaner au champ. La mélopée, très douce, disait que ces 3 petits-enfants avaient été envoyés par leurs pauvres parents pour glaner au champ. Mais les bons petits-enfants qui s'en allaient glaner au champ, au lieu de travailler, de ramasser le blé oublié par la faux, le râteau des moissonneurs, s'en allèrent courir les bois, cherchant des noisettes vertes, des myrtilles et attrapant des papillons dorés. Paulette frissonnait chaque fois que sa mère arrivait au couplet où le terrible croque-mitaine rencontrait au fond du bois les 3 petits désobéissants. Quand le croque-mitaine les découpait pour les mettre dans son saloir, Paulette se rapprochait de sa mère et écoutait en pleurant et tremblant. Elle ne respirait vraiment que quand le bon Saint-Nicolas recollait les enfants morceau par morceau. L'effet de cette légende était-elle sur tous les petits-enfants que Fernand, cependant plus âgé que Paulette, Fernand, un petit garçon courageux, hardi, frissonnait lui aussi comme Paulette en écoutant ses mésaventures. Et le goût de la terreur étant vraisemblablement inné chez l'homme, et comme un besoin, la sensation de l'effroi, un plaisir, Fernand, comme Paulette, demandait souvent à Madeleine « Oh, raconte-moi l'histoire des 3 petits-enfants qui s'en allaient glaner au champ. » D'ailleurs, le garçonnet, conduit par son bon cœur, d'instinct, jouait admirablement son rôle. Passant par-dessus cette vexation d'amour-propre, d'être lui un garçon, un futur homme, pris pour une petite fille, il devenait Paulette chaque fois que Madeleine l'appelait. Et il en arrivait à appeler doucement la mère de la petite fille absente, « Maman ». Cependant, il revenait à sa mère et disait tout bas, « Tu sais, je l'appelle maman la dame parce qu'elle est malade. Qu'elle croit que je suis sa fille, mais je n'ai qu'une maman, et cette maman pour de vrai, c'est toi, seulement toi. » Puis à son père, il déclarait, « La dame m'appelle Paulette, mais ça ne fait rien, je suis un garçon, et je serai quand même un garçon toujours. » Ses parents l'embrassaient, le rassuraient. « Oui, mon bon Fernand, nous sommes ta maman et ton papa, et tu seras toujours notre fils, notre gars. Mais sois Paulette, pour cette maman qui est tant de chagrin de n'avoir plus sa fille. » Madeleine, ainsi, en apparence, était la Madeleine d'autrefois, et vivait au Ravenel comme à la Tilleuse. Qui n'eût été prévenu? Qui n'eût connu le drame, en voyant cette jeune femme pâle, certes maladive, mais plus charmante encore peut-être, sourire? Qui eût vu ses yeux clairs, si profonds, sa douceur? Qui eût ressenti son charme? Jamais n'eût pu supposer que cette jeune femme n'avait pas sa raison, et que cette vie, que tout faisait croire heureuse, était vécue par une pauvre folle. Cependant, et ici le docteur déclarait ce cas tout à fait spécial et des plus intéressants, cependant Madeleine, tout en se croyant à la tilleuse, en prenant les hôtes des Ravenel pour les vieux Porfilet, faisait une exception en faveur d'une seule personne, de Jacques Dalmet. Que se passait-il dans le cerveau de la malade? Par quelles impressions plus fortes que toutes les autres avait-il été frappé? Quelles sensations spéciales le dominaient? Oui, Jacques Dalmet était le seul que Madeleine ne confondit pas avec le père Porfilet. Jacques, jamais elle ne l'appelait comme le père Dalmet, ou Charles, ou quiconque, bon papa. Jacques, elle l'appelait Jacques. Avec lui, elle agissait non pas comme au temps de la tilleuse, avec les hôtes habituels de la ferme, avec les gens qui entourèrent son enfance, sa jeunesse, sa vie de nouvelle maman. Jacques, à ses yeux de démente, était un nouveau personnage dans sa vie d'autrefois. Il semblait que, continuant son existence avant le dernier malheur, le sergent fût venu à la tilleuse, et qu'en lui elle eût trouvé un ami, un compagnon, un confident. C'était pour ainsi dire inexplicable. Assurément, Madeleine ne se rendait pas compte de la situation. Elle ne voyait pas qui était vraiment le fils cadet du père Dalmet. Mais elle allait à lui sincèrement, loyalement, comme à un ami, comme à un frère. Qu'était-il dans son esprit malade? Quelle place lui attribuait-elle dans son cœur endolori? Croyait-elle l'avoir connu autrefois? Sur lui portait-elle un souvenir de jadis? Était-il la manifestation, si l'on peut dire ainsi, de la révélation d'un secret de jeune fille? Mystère, mystère insondable, fantaisie de démente. Pour Madeleine, Jacques, c'était Jacques. Seulement Jacques, rien que Jacques. Et ce Jacques incompréhensible venait dans ses paroles, dans ses pensées, dans ses actes constants, quotidiens, après sa chère Paulette. Jacques était à part, en dehors, dans son mode d'existence actuel. C'était Jacques.